c'est pas encore très clair de voir comment ça va tourner. Sans doute qu'un grand emprunt à terme est nécessaire, mais là, pour l'instant, les conditions politiques n'ont pas l'air d'être complètement réunies. Alors, en tout cas, pour trouver de l'argent pour la défense, Alexandre, il va falloir que les entreprises de défense soient mobilisées dans leurs commandes, mais il va bien falloir qu'elles soient payées. Il y a la question de l'emprunt, il y a aussi la question d'en appeler aux particuliers, c'est ce qu'on a vu en France notamment cette semaine. Oui, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, Adrien, ces derniers jours en particulier, et si on reprend un peu de hauteur pour bien réexpliquer, il y a bien deux aspects. D'un côté, il revient aux États de passer les commandes publiques, hein, évidemment, d'armement, et le plus tôt sera le mieux, parce que ça va permettre à nos entreprises de se positionner, et puis d'avoir de la visibilité en termes d'activité. Et de l'autre, il peut revenir aux particuliers s'il le souhaite. Hein. On a bien mis l'accent, les ministres ont bien mis l'accent cette semaine sur cette base volontaire de soutenir les investissements auxquels devront procéder les entreprises de défense en renforçant leur présence au capital de ces entreprises, qu'elles soient d'ailleurs cotées ou non. Et donc ça les aidera à monter en cadence, ça les aidera à se spécialiser. Donc il y a bien deux aspects, et c'est tout l'enjeu effectivement du fonds qui a été annoncé cette semaine de 450 millions d'euros, hein, qui sera... millions, c'est des millions. Okay, ça c'est un fonds BPI, c'est vrai qu'on s'y perd avec tous ces milliards. Même s'il faudrait des milliards, on est pour l'instant sur des millions. Là c'est plutôt des millions, et c'est un fonds qui sera géré donc par la filiale de la Caisse des dépôts, la BPI France, et qui permettra d'investir à vous ou à moi dans des entreprises de défense, si tant est qu'on accepte au moins 500 euros d'investissement, et puis un blocage des fonds pendant 5 ans. Mais c'est aussi, plus largement, si on élargit la focale, l'enjeu du... la philosophie du rapport Draghi qui avait été rendu il y a quelques mois à la Commission européenne. Vous vous souvenez, l'idée, c'était plutôt que de laisser l'épargne des Européens partir s'investir aux États-Unis, il faut essayer de la garder, de la conserver ici en Europe, où elle peut soutenir nos entreprises et leur compétitivité. Et ça s'applique en particulier maintenant très bien aux entreprises de défense. Donc utiliser l'épargne ou... faire un emprunt. On a bien compris qu'il y avait une partie qui était plus aboutie que l'autre, et c'est certainement pas la partie de l'emprunt. Est-ce qu'en cas d'emprunt, François Bodonnet, l'Europe peut s'inquiéter, l'Europe peut être dégradée? Est-ce qu'il y a un risque financier? Alors, il y a effectivement un risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'Union européenne a déjà beaucoup emprunté sur le Covid. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'empruntait pas. Ça a été la première fois. C'était alors, 750 milliards. La totalité du plan, c'était 750 milliards d'euros. Il faut savoir que la Commission européenne, comme les États, a une notation des grandes agences de notation. En l'occurrence, la Commission européenne est notée un triple A, ce qui est la meilleure notation possible. Mais là, si par exemple elle venait à emprunter 500 milliards d'euros supplémentaires, ça serait une très grosse somme par rapport à son budget. Il faut savoir que le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire le budget des institutions de l'Union européenne, est en fait un tout petit budget. Mais sauf qu'on imagine qu'elle a l'air insolide quand même, l'Union européenne, non? Le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer, il faut qu'on en soit certain. On n'en est pas certain. Non, si, pour l'instant, il y a ce triple A. Mais ce qui peut se passer aussi, d'abord, je vous disais, par rapport au budget, ça serait quand même un très gros pourcentage. Et puis, il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'actuellement, tout le monde veut emprunter pour se réarmer. On parlait de l'Allemagne, on va sûrement en reparler. Ça veut dire que forcément, les taux d'intérêt peuvent augmenter. Et Théo Bourgerigon se le disait tout à l'heure, c'est aussi pour ça que la présidente de la Commission européenne se montre extrêmement prudente, parce qu'à partir de 2028 et jusqu'en 2058, il va falloir que l'Europe rembourse tous les centaines de milliards qu'elle a empruntés de l'emprunt précédent. Les informés de l'Europe. François Bodonnet, Adrien Beck. Toujours avec Alexandre Kounis, rédacteur en chef au quotidien économique Les Échos, et Théo Bourgerigons, journaliste spécialiste des affaires européennes. On évoquait la manière dont l'Europe va se financer pour se réarmer. On peut aussi s'interroger, Alexandre Kounis, sur la manière dont l'Allemagne va se financer, puisqu'elle veut consacrer plusieurs centaines de milliards rien qu'à la défense. si ce n'est pas forcément un emprunt européen, où il va venir d'où l'argent ? L'Allemagne, elle a les poches profondes ? Alors, elle va emprunter hein, pour réaliser cet effort. Elle peut le faire, d'autant plus, c'est la bonne nouvelle, d'autant plus facilement qu'elle est faiblement endettée par rapport à des pays comme la France et l'Italie. C'est ce qui la différencie d'ailleurs de ces pays-là, comme le nôtre, qui vont devoir soit réaliser des économies ou faire des arbitrages budgétaires potentiellement douloureux, voire carrément augmenter les impôts, même si pour l'instant il n'en est pas question en France, mais en disant qu'on a moins de marge de manœuvre. Oui. Ensuite, voilà, quant à savoir si l'Allemagne aura besoin d'un emprunt, de participer à l'emprunt européen dont on parlait tout à l'heure, que pousse Emmanuel Macron, c'est vrai que François l'a dit, c'est difficile de dire à ce stade, mais parce que le chancelier Merz ne s'est pas vraiment prononcé sur la question officiellement. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle devait y recourir, ce serait quelque chose de difficile, parce qu'il a déjà eu beaucoup de mal à faire passer son gros plan de dépenses au niveau national. Alors Théo Bourgeois-Rigons, l'Allemagne aurait les moyens d'emprunter théoriquement. Ce n'est pas le cas de tous les pays. On pense à la France, mais on peut imaginer que d'autres pays sont dans notre cas. Est-ce qu'on peut imaginer que les Européens soient prêts à faire des concessions, des sacrifices sur leurs dépenses sociales pour effectivement acheter des obus, des systèmes de défense antiaérien? C'est encore assez dur à dire. Il y a assez peu de données pan-européennes sur ces sujets-là, mais il y a quelques sondages qui commencent à exister. Donc j'ai fait mes devoirs avant d'arriver en plateau. Par exemple, il y a un sondage de Cluster 17, pardon, pour le Grand Continent qui a été publié jeudi. Et en gros, il trouve qu'a sondé des citoyens européens dans 9 pays membres. Et il trouve que 70% de ces citoyens sont en faveur d'une défense européenne, ce qui sous-entendrait de nouveaux investissements ou des arbitrages budgétaires nouveaux. Il y a des distinctions par pays qui sont assez intéressantes. Vous avez la Belgique, l'Allemagne et la France qui ont été sondés, qui sont c'est des soutiens de 76% et plus, dans des pays qui ont une base industrielle de défense déjà bien établie, ou alors la question de la défense européenne était au cœur, en prenant l'Allemagne, des élections législatives de la fin février. Et d'un autre côté, vous avez des pays qui historiquement sont plus atlantistes, la Roumanie, la Pologne, vous avez l'Italie de Giorgia Meloni qui essaie de créer une sorte de lien particulier avec Donald Trump, où là, il y a une majorité, mais beaucoup plus faible pour la défense européenne, on parle de 56, 57, 58%. Et puis en ce qui concerne la France très particulièrement, il y avait un sondage publié dans la Tribune par Ipsos début mars. Et là, c'est 68% des sondés qui estiment qu'il faut investir plus et augmenter le budget de la défense. Il y a une majorité à peu près similaire, 66%, qui est prêt à creuser le déficit, qui est déjà 6% de PIB en France, pour financer de tels investissements. Mais dès qu'il s'agit de nouveaux arbitrages, comme vous disiez, de nouveaux arbitrages budgétaires, par exemple, pour sortir de l'argent des écoles, des hôpitaux, ou alors des retraites, n'en parlons même pas, ou alors augmenter le temps de travail, à ce moment-là, cette majorité qui existe, elle est très ténue, puisque c'est 50 ou 51%. Donc en gros, défense européenne, plébiscité largement. En revanche, les manières d'arriver à ces nouveaux investissements ne font pas l'unanimité et je pense pourraient créer certaines tensions sociales dans les semaines et mois à venir. François Baudonnet, un mot peut-être sur les priorités aussi de la Commission européenne. On s'en rappelle, et ça avait été d'ailleurs très critiqué, des ambitions du précédent mandat, c'était le pacte vert, donc l'écologie. On a l'impression, je ne vais pas faire Nicolas Sarkozy en disant l'écologie, il y en a assez, mais c'est un peu ça quelque part. C'est maintenant, c'est réarmer l'Europe. Est-ce que ça va vraiment être acté comme ça ? En tout cas, c'est clair que pour la Commission européenne, qui est une institution majeure, puisqu'elle donne un peu le là aux autres institutions en Europe, la priorité numéro un, c'est devenu l'armement. Et d'ailleurs, ça a été très très vite. Vous savez que la présidente de la Commission européenne entame son deuxième mandat pour se faire réélire. Elle a de nouveau parlé du pacte vert. Alors, beaucoup moins que lors de son premier mandat, mais quand même, elle en a parlé. Et là, depuis le mois de janvier, on n'en parle absolument plus, alors que le risque climatique, il est toujours bien présent. Il n'a pas disparu avec la guerre. On le verra peut-être cet été, on aura vraisemblablement, je ne souhaite pas, mais de nouveau une canicule, peut-être des incendies. Et donc, c'est quand même frappant parce qu'on a basculé d'une priorité qui était sur le climat à une priorité qui est maintenant sur le réarmement. Et en fait, c'est quand même un peu gênant, si vous voulez, cette priorité sous forme de girouette, parce que ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Imaginez, par exemple, qu'il y a un cessez-le-feu dans quelques semaines en Ukraine, qui nous dit que le réarmement, que je trouve personnellement extrêmement nécessaire, qui nous dit que le réarmement sera encore une priorité européenne. Peut-être pas, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on en parlera moins. Donc évidemment, oui, le réarmement est une priorité pour l'Europe, mais attention à l'effet girouette qui consiste à changer de priorité tous les quatre matins. D'un tout petit mot, Théo, ça peut encore changer la girouette, comme disait François Baudonnet, le réarmement peut ne plus être une priorité. En tout cas, c'est dur à dire parce qu'il y a quand même une prise de conscience politique qu'on ne peut plus faire sans les Américains, que l'OTAN est en péril de mort et que les Européens ne doivent compter plus que sur eux-mêmes pour se défendre. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement radical dans l'approche. Oui. Mais en revanche, comme on dit depuis le début, les manières d'arriver à cette défense européenne et de la financer, eux, restent encore très ouverts. Merci à vous, Théo Bourgeron, journaliste spécialiste des affaires européennes. Alexandre Kounis, merci, rédacteur en chef aux Échos, ancien correspondant à Bruxelles. Et bien sûr, merci François Baudonnet. Merci, les Adrien. Informés de l'Europe reviennent merci. Dimanche prochain. Minuit 5h, France Info, l'info juste. Merci d'écouter France Info, il est minuit et demi. Et à la une ce soir, un adolescent de 16 ans arrêté après la violente agression samedi du rabbin d'Orléans, condamné par Emmanuel Macron et par plusieurs responsables politiques dans un contexte d'actes antisémites élevés en France. 300 personnes ont pris part ce soir à un rassemblement, place de la Bastille à Paris. Une marche silencieuse est prévue mardi soir en soutien au rabbin à Orléans. C'est David Béliard qui portera les couleurs des Verts pour les municipales de l'an prochain à Paris. L'adjoint d'Anne Hidalgo dans l'équipe municipale sortante a remporté la primaire écologiste en totalisant 52,6% des voix au second tour face à son adversaire Anne-Claire Bou. 15 millions d'électeurs turcs ont participé eux ce dimanche à la primaire symbolique organisée par le parti du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Malgré son incarcération aujourd'hui même pour corruption, l'édile incarnait jusqu'ici la principale menace du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il devait être investi ce dimanche comme candidat du parti à la prochaine présidentielle turque en 2024. 2028. La défense civile de la bande de Gaza affirme qu'une frappe aérienne israélienne a touché l'hôpital Nasser de Ran Younes dans le sud du territoire palestinien où l'armée israélienne a repris ses bombardements après 2 mois de trêve avec le Hamas. Les négociations entre Ukrainiens et Américains ont-elles commencé en Arabie Saoudite ce dimanche alors que les pourparlers entre les Russes et les Américains cette fois débuteront ce lundi. L'émissaire de Donald Trump dit s'attendre à de vrais progrès. Quant au ministre ukrainien de la Défense, il évoque ce soir des discussions productives à Riyad. Le président Volodymyr Zelensky appelle lui à pousser Vladimir Poutine à mettre fin aux frappes sur l'Ukraine. Encore affaibli, le pape François est rentré au Vatican après plus de 5 semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie. Depuis un balcon de l'hôpital Gemelli de Rome, il a auparavant remercié les centaines de fidèles venus le saluer avant son départ. C'était sa première apparition publique depuis son hospitalisation le 14 février dernier. Enfin, du football et la France qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Il a fallu aller jusqu'au tir au but face à la Croatie. Ce soir au Stade de France, les deux équipes en effet étaient à égalité 2-2 sur l'ensemble des deux matchs, aller et retour de leur quart de finale. La France qui rencontrera début juin en demi-finale l'Espagne qui a elle éliminé également au tir au but les Pays-Bas. Minuit 32 sur France Info, la météo. France Info Météo, avec le CIC Entreprise à Mission, permettre à chaque client de disposer d'un conseiller dédié et non commissionné. C'est ça à construire pour que le monde bouge. Le temps de votre lundi, avec des averses sur un grand quart sud-est du pays, Patricia Charbonnier. Le temps sera encore très changeant aujourd'hui avec alternance d'averses et d'éclaircies et ces averses seront encore fortes sur la moitié sud du pays et près des frontières de l'Est. Avec une activité orageuse en plus cet après-midi entre le massif central et le sud-est, ces averses pourront s'accompagner de grésils et se feront même sous forme de neige à partir de 1700 mètres sur les Alpes du Nord et 1600 mètres sur les Pyrénées. Le temps sera moins instable aujourd'hui sur la moitié nord avec le retour de quelques éclaircies, en particulier ce matin sur le quart nord-est. Mais le temps restera couvert toute la journée près des côtes de la Manche avec des averses, des températures comprises entre 3 et 10 degrés. Ce matin, il fait 4 à Nancy, 5 à Lille, 8 à Paris, jusqu'à 18 degrés cet après-midi à Strasbourg et Dijon, 17 à Paris, 16 à Toulouse et Marseille, 15 à Lille, 14 degrés à Lyon et 11 degrés à Cherbourg. Minuit, 5 heures, c'est la nuit sur France Info. Question de société. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Avec nous pour répondre à une nouvelle question de société à la veille de l'arrivée en commission à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portée par deux députés macronistes. Ils veulent chasser des logements HLM les occupants dont le revenu ne correspond plus aux critères d'attribution. On parle de 80 000 locataires qui paient un surloyer. 2 millions de locataires attendent aujourd'hui un logement social. Le logement social créé dans les années 50 pour permettre aux Français les plus modestes d'accéder ensuite à un logement privé, ça ne fonctionne plus vraiment. Pourquoi le modèle est-il grippé? Alors, quand on a fait les HLM en 48, l'idée c'était effectivement d'un côté, il y avait une allocation logement qui permettait aux salariés d'avoir de l'argent parce que soit ils allaient en HLM, soit ils n'allaient pas en HLM, mais ils avaient une allocation logement. Et à côté, effectivement, on s'est mis à construire massivement des bâtiments publics. Mmh. Bien, ça c'est la règle qu'on connaît tous. Dans l'accord de l'époque, il y avait le maintien dans les lieux. Parce qu'effectivement, le gros problème, ben, vous rentrez dans un HLM, vous êtes des jeunes enfants, ils grandissent, ils s'en vont, vous êtes âgé, vous vous retrouvez tout seul, etc. Est-ce que c'est la peine d'avoir un F4 quand vous vous retrouvez tout seul? Mais en même temps, c'est votre quartier, c'est vos voisins, c'est vos amis, etc. Donc, on comprend bien les questions. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation, mais dans un mode de vie qui a complètement changé. Il y a 63% des bébés qui naissent hors mariage. Donc, si vous, rien que ça, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'un couple, si vous voulez? Est-ce que, quand les gens se séparent, il faut leur proposer plus petit, plus grand? Vous voyez comment on fait, alors qu'il y a pénurie de bâtiments. C'est la même question pour les personnes âgées. Vous avez des vieux parents. Si vous êtes dans le parc privé, vous allez peut-être essayer de les faire venir près de chez vous. Il y a beaucoup de vieux parents qui viennent près de leurs enfants, notamment pour s'occuper des petits-enfants, parce que c'est leur bonheur de retraiter. Dans le parc social, ce n'est pas possible. Parce que le parc social a une idée, au fond, de la sédentarité de l'habitat qui correspond à une autre époque. Et au fond, si vous voulez, c'est ça, je pense, qui est très compliqué. On ne sait pas le résoudre. La politique de logement a été mauvaise depuis 2017, il faut le dire. Mais dans tous les pays d'Europe, il y a une crise. Parce que c'est les modes de vie qui ont changé. La liste d'attente, on l'a dit, s'allonge d'année en année. Il y a un problème de construction aussi. À quel moment ça a dérapé, ça? Il y a un problème de construction. Alors, il y a différentes choses. D'abord, parce qu'on a énormément augmenté les normes. On a été dans une période énorme sur la largeur des portes, la taille des salles de bain, etc., qui a augmenté le coût des logements. Et on peut se demander, mais c'est une réflexion qu'on a globalement, si vous voulez, après le Covid notamment, on a eu le sentiment qu'il fallait accélérer la bataille climatique, etc. Et c'est évidemment central, c'est la bataille centrale, mais peut-être qu'on a été un peu loin, peut-être qu'on n'a pas attendu les opinions publiques. Est-ce que vraiment tous les logements qu'on construit doivent être adaptés pour des handicapés? Est-ce qu'on ne peut pas décider que le rez-de-chaussée et le premier étage, on les met plutôt là? Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, si on a augmenté les coûts, on a augmenté les normes, et puis de l'autre côté, on a fait les zones où on ne peut pas construire, qui font qu'effectivement, pour construire des HLM, il faut du terrain public. Oui. Et donc là, on est pris dans une crise entre ces différents éléments. Donc on a une réflexion à remettre sur l'ouvrage. Vous voyez, l'autre jour, je travaillais à Cherbourg. Vous avez 4000 emplois disponibles dans le nucléaire. Ils n'ont pas d'espace pour construire. Est-ce que c'est rationnel? Et est-ce qu'on peut, selon vous, rattraper le retard pris justement dans notre politique de logement social, ou c'est trop tard? Mais c'est pas que c'est trop tard, c'est qu'à mon avis, il faut réfléchir au dossier. La question, c'est ne pas traiter l'habitant du HLM comme un objet. Il faut tenir compte de ses désirs et de ses projets. Bon. Mais donc, qu'est-ce qu'on lui propose? J'ai le sentiment qu'on ne s'est pas posé sérieusement la question sur tous ces éléments, mode de vie, espace géographique, relations intergénérationnelles. Avant de critiquer tous les modèles, il faut comprendre ce mode de vie. La population se déplace vers les rivages et vers l'Île-de-France. Et donc, on a effectivement, dans d'autres régions, un problème d'adaptation. Merci beaucoup Jean Viard. On peut vous réécouter Questions de société sur l'appli Radio France. On vous retrouve aussi en librairie avec votre dernier ouvrage, L'individu écologique, naissance d'une civilisation. C'est aux éditions de l'Aube. France Info, c'est la nuit. Le journal des Outre-mer. Plus de 11 000 salariés ont perdu leur emploi depuis le mois de mai en Nouvelle-Calédonie. Les prix de l'énergie et de l'alimentation augmentent et impactent les familles les plus modestes. Un couple vit même depuis plusieurs semaines dans leur voiture avec leurs 4 enfants. C'est un reportage de Marguerite Poigoun, Nouvelle-Calédonie, la première. Depuis près d'un mois, Germaine, son compagnon Bertrand et leurs 4 enfants dorment dans un petit véhicule. Moi, je dors sur le fauteuil conducteur et les deux grands, ils s'allongent sur la banquette. Et la maman, vous dormez avec les deux petits? Avec les deux petits, voilà, sur le siège côté passager. La voiture est louée jusqu'à cette semaine grâce aux ventes de sandwichs qu'organise Germaine avec ses enfants. Cette famille a été expulsée de son logement de la SIC à Tuban en décembre dernier parce qu'elle ne pouvait plus payer les loyers, explique Bertrand. On avait négocié avec eux pour qu'on puisse rester là-bas jusqu'à la fin de la période scolaire, pas que les enfants ils soient perturbés. À la base, c'était ma femme qui avait le logement depuis presque plus de 10 ans. Depuis que le couple dort dans une voiture et passer ses nuits dans un véhicule demande une organisation précaire. On change tous les jours d'endroit parce que comme il y a souvent la police qui tourne le soir, le matin, je lève tout le monde à 5h, on va dans un parc pour qu'ils puissent faire leur toilette, pour arriver présentable à l'école, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas prendre de douche. Quand il fait beau, on va à la rivière. Malgré cette situation critique, Germaine et son compagnon ne baissent pas les bras, ils cherchent activement un emploi et envisagent même de s'inscrire à des concours pour s'en sortir et offrir à leurs enfants un toit et une vie meilleure. La colère des infirmiers libéraux de Guyane. Vendredi, ils ont manifesté devant la préfecture de Cayenne pour dire stop à la violence. 2 de leurs consoeurs ont été agressés en l'espace de 48 heures. La première a été violée, la seconde braquée. Awatef Argoubi est présidente du syndicat des infirmiers libéraux de Guyane. Elle répond à Nickerson Perdius, Guyane la première. Ce qui est arrivé est vraiment inacceptable et inadmissible aujourd'hui. En 2025, une collègue se retrouve violée, que l'autre se retrouve braquée pour simplement 4 euros au risque de sa vie, en fait. On va travailler au risque de sa vie. Quand une infirmière, qu'elle soit Marie Passoula, Saint-Laurent, Kourou, est touchée, je suis clairement touchée. Autant que si c'est moi qui avais été touchée, tous les collègues, médecins, pharmaciens, infirmiers, tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont venus nous dire. La population aussi se sent très concernée. Parce que si demain, nous ne pouvons plus aller au domicile des patients, qui va y aller? À La Réunion, les élèves sont retournés à l'école lundi dernier après 2 semaines de vacances. Enfin, pas tous. À Saint-Benoît, commune de l'Est, 9 écoles restent fermées. Conséquence du passage du cyclone Garance sur l'île. Cynthia Véron a rencontré Théo, 10 ans, contraint de suivre l'école à la maison. Je suis triste parce que j'aurais voulu retourner à l'école et qu'on ne pourra plus aller à cette école pendant des semaines, voire des mois. Déçu, Théo ne sait pas quand il pourra retrouver ses camarades de classe et on ne peut pas dire que le jeune garçon ait très envie de faire l'école à la maison. On ne peut pas voir ses amis, donc ce n'est pas amusant. On travaille avec un écran. Je préfère faire l'école à l'école. Et elle est où ta classe ? Elle est juste là, c'est le mobilhome qui a été un peu renfoncé par le cyclone, les vents de face. Loïc, le papa de Théo, espère que l'école va vite être remise sur pied. Il y a eu une communication de la part des enseignants qui a pris contact avec chaque parent pour faire un petit bilan de qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place. Mais un suivi pédagogique qui est annoncé du style pendant le Covid, malheureusement les réseaux 5G, 4G fonctionnent très très mal. Il est donc difficile de télécharger les documents indispensables à la continuité pédagogique à la maison. Bonne nouvelle, cette semaine, un nouveau boulanger est arrivé sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord. Il va reprendre la boulangerie de Miquelon laissée à l'abandon depuis 6 mois. Les 600 habitants de l'île vont de nouveau avoir du pain frais. Tessa Groman, Outre-mer la première pour France Info. France Info Senior, Frédéric Marié. Ce qui ressort de la conférence Dérider votre com boomer du 13 mars dernier, c'est que chaque génération a des valeurs spécifiques. Par exemple, les baby boomers sont souvent associés aux valeurs de liberté et d'individualisme, tandis que les grands seniors sont caractérisés par des valeurs de camaraderie et de collectif. Les boomers sont nés entre 1946 et 1964 et les seniors sont nés entre 1937 et 1945. Concernant les boomers, c'est une génération qui a connu des révolutions culturelles, ce qu'explique d'ailleurs Sophie Schmitt, directrice de Seniosphère. C'est un groupe de personnes qui ont été exposées à des publicités, des nouveaux produits, des contextes aussi géopolitiques qui sont différents de ceux qui sont nés après. Typiquement, un baby-boomer se souvient où il était quand le premier homme a marché sur la Lune. Surtout les premiers, parce que c'était en 63. Et puis, bien évidemment, il y a 1968 qui les a aussi beaucoup marqués. Halte aux stéréotypes pour les boomers. Il faut, selon Sophie Schmitt de Seniosphère, adapter les stratégies commerciales pour coller à ces profils variés. À partir du moment où on travaille sur la publicité, c'est très important de savoir quels sont les référents publicitaires que la personne a en tête. Et à cette époque-là, les boomers ont été exposés à ces publicités folles, délirantes, sans limite, voire quelquefois déconnectées des marques. C'est quoi le texte ? Il faut de l'humour, mais leur humour. Il faut une représentation assez positive parce que ils sont d'une certaine manière dans le déni de leur vieillissement, donc ils n'acceptent pas d'être présentés comme des personnes âgées de la génération précédente. Cette génération de boomers aux multiples profils et modes de vie remet en question les modèles traditionnels et oblige les marques, les médias et la société à revoir leur vision des seniors, qui, cela dit en passant, seront de plus en plus nombreux. Minuit 5h, France Info, l'info juste. Le Club Info, Laurie Delostal, Julien Langlais. Et la France est donc qualifiée pour les demi-finales, pour la phase finale de cette Ligue des Nations après cette victoire au bout du suspense face à la Croatie. Victoire au tir au but que l'on débriefe avec Nicolas Perronnet, avec Corinne Petit, avec également Benoît Trémoulinas. On reste avec vous au Stade de France, hein, Nicolas Perronnet. Bah, ça y est, on enchaîne les tubes de victoire française. Hein. On a vu beaucoup de joie côté français. On a vu les... Mais complètement. Hein, complètement, elle n'est pas anodine, franchement, cette victoire. La compétition, peut-être qu'elle l'aime, mais la victoire, franchement, ce soir, elle ne l'est pas. Et les Bleus, ils sont toujours en train de faire leur tour d'honneur avec Kylian Mbappé qui emmène ses troupes, qui sont en train d'applaudir toutes les tribunes du Stade de France. Ils sont en train de faire le tour. Corinne, c'est pas rien ce qui s'est passé ce soir et ce qui est en train de se passer, parce que le lien avec le public français, on savait qu'il était un petit peu distendu. On a parlé des audiences rugby qui sont meilleures que les audiences foot, etc., etc. Ça faisait quasiment presque 2 ans qu'il n'y avait pas eu un match des Bleus du foot ici au Stade de France. et ben voilà, la communion, elle est quand même assez belle ce soir. Oui, c'est beau. Et puis tout le match, hein, dès le début, avec le fait que Olivier Giroud ait été honoré, il y avait un stade plein, il y avait des émotions, dès l'entame de match. Et puis après, on a vraiment senti un soutien de la part de tous les spectateurs. Ils ont été poussés par ce stade. Ils l'ont bien rendu à la fin avec le contenu dans le match, en allant chercher cette victoire. Et voilà, l'équipe de France a envie de profiter de ces moments de communion. Et ces victoires-là, elles sont importantes parce que c'est des souvenirs. Les plus difficiles à aller chercher et au pénalty comme ça, ben, c'est des moments où on se souvient et qui sont forts. Oui, et puis c'est une équipe de France, c'est vrai, qui a besoin de se reconstruire partiellement peut-être, mais quand même, qui a besoin de se reconstruire. Il y a beaucoup de cadres des grandes années qui sont partis les uns après les autres. On intègre un petit peu toutes les générations. On sait, cette équipe de champions, Didier Deschamps l'a dit, c'est de la réoxygénation. C'est-à-dire qu'il y a un côté, voilà, donner un petit peu d'air à cette équipe de France, tester aussi des joueurs. Et on sent qu'il y a du travail qui a été accompli, un cap qui a peut-être été un petit peu franchi ouais. ce soir, avec ce scénario, avec les entrées réussies, vous l'avez dit, de Désiré Doué, de Michael Olysée, et puis avec cette communion. Oui, et puis Kylian Mbappé aussi, son retour, il était important en tant que leader, en tant que capitaine. Par les mots, il a été bon sur la semaine, mais il a prouvé aussi sur le terrain qu'on pouvait continuer à compter sur lui et qu'il était le patron de cette équipe de France. Donc il y a vraiment beaucoup de positifs sur cette rencontre. Deux buts d'écart, c'était pas rien. En face, c'était quand même la Croatie. C'est une belle équipe qui a des jeunes, qui a de la qualité, qui a de l'expérience. Et la France a prouvé que même après un match très loupé complètement, eh ben, elle est capable de se relever et qu'elle est importante dans cette Europe. L'enjeu du titre, on l'a dit, dans cette Ligue des Nations, que la France a déjà remporté une fois, ben voilà, il est toujours là, cet enjeu. Rendez-vous début juin face à l'Espagne. Et puis l'enjeu donc de ce fameux calendrier sur la route du Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique, au Canada. On sait donc désormais que cette campagne de qualification débutera à partir de septembre dans un groupe à 4, avec l'Ukraine, avec l'Islande et avec l'Azerbaïdjan, forcément, quand on est l'équipe de France. Oui, c'est... Et puis un groupe à 4, c'est toujours mieux qu'un groupe à 5 parce que ça fait des matchs en points. Et ça, c'est toujours important parce que les calendriers, ils sont fous maintenant. Donc, c'est aussi plein de petites choses. Mais bien sûr que la qualif, avec ce qu'ils ont montré ce soir, il faut aller la chercher et de belle manière. Le premier match, ce sera face à l'Ukraine, hein, Julien Laurie. Ce sera le 5 septembre. Voilà, c'est vrai que le groupe A5 aurait peut-être été plus accessible, mais voilà, il y avait d'autres contraintes qui naissaient forcément d'une élimination ce soir. Et puis franchement, aller chercher un titre, on sait ce que la Ligue des Nations, la victoire française a apporté à ce groupe de l'équipe de France dans sa campagne, notamment au Mondial au Qatar. Donc voilà, c'est à ne pas galvauder. Il y aura des très très belles affiches en tout cas début juin, à commencer par ce France-Espagne. France-Espagne, en effet, ce sera le 5 juin très précisément. Allemagne-Portugal, ce sera la veille, le 4 juin. Le tout donc en Allemagne pour cette Ligue des Nations. Voilà ce très beau dernier carré, hein, quand même. Allemagne, Portugal, Espagne, France, ouais, c'est pas mal du tout. Ça a été des très belles affiches ce soir, avec beaucoup de buts et beaucoup de suspense. On se tourne vers Benoît Trémoulinas, qui a subi également cette rencontre avec nous. Benoît, qu'est-ce que vous en ressortez là, spontanément? On voit encore, hein, les joueurs de l'équipe de France sur le terrain, en train de savourer cette victoire avec le public du Stade de France. Oui, parce que on savait que la tâche s'annonçait quand même un petit peu compliquée avec ce non-match en Croatie. Mais voilà, je pense que ils s'en sont donné les moyens, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff aussi, parce que Didier Deschamps a été moins frileux, je trouve, dans sa composition d'équipe, mm-hmm. en alignant quasiment 4 attaquants. Voilà, c'était quelque chose de beaucoup plus cohérent et équilibré, avec un Barcola, avec un Mbappé, un Dembélé, un Olysée, voilà, et forcément Ça s'est ressenti aussi durant le match où l'équipe de France, comme je l'avais dit à la mi-temps, malgré tout, s'était procuré quelques situations. Et pour moi, c'était plutôt logique qu'il marque en seconde période. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je trouve ça logique que l'équipe de France se qualifie. Après, voilà, les pénaltys, même si on dit que c'est la loterie, on dit quand même que malgré tout, ça reste un geste technique. On l'a bien vu ce soir. Donc, non, moi, je suis content pour l'équipe de France parce qu'on a aussi retrouvé un Mbappé, même si devant le but, il aurait pu marquer. Mais malgré tout, j'ai trouvé volontaire. J'ai trouvé aussi impliqué dans les replacements défensifs. On sentait qu'il amenait un petit peu aussi tous les joueurs avec lui. Et ça, c'est important pour l'équipe de France et pour la suite. Ces chansons qui font l'actu. Bertrand Dical. L'ami qui soigne guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Le champagne de Jacques Higelin, cet ami qui soigne et guérit et jamais ne m'a trahi. Même si chacun d'entre nous n'en consomme pas, nous, Français, nous sommes plutôt fiers d'avoir donné au monde ce breuvage au pouvoir singulier, le champagne. Et donc, quand le président Trump parle d'impliquer notre champagne au cœur de sa guerre des droits de douane contre le monde entier, cela suscite évidemment des inquiétudes, et pas seulement chez les producteurs. Cette émotion est évidemment liée à la puissance symbolique du champagne. C'est mon premier verre de champagne. Ça me fait une drôle de sensation. Une douce ambiance me gagne. Tout est dit par Lisette Jambel en 1948 et par Joe Star en 2011. La griserie, le partage, l'allégresse, la fête. Et il ne faut pas oublier non plus que le champagne accompagne aussi la mélancolie. Qu'il la compense chez Hervé Villard ou qu'il la provoque chez Nana Mouskouri. Amis, je vous invite champagne pour l'amour de celle qui m'a laissé tomber. Dans une coupe de champagne où je m'étais noyée un soir, j'ai vu mes châteaux en Espagne en ruine au fond de ma mémoire. Mirrors on the ceiling depict champagne on ice, and she said. Carlon boit aussi du champagne dans le fameux hôtel California des Eagles, qui y voit une sorte de prison de miroirs au plafond et de champagne rosé. Et puisque l'on parle de l'Amérique, n'oublions pas que Drake qui est canadien, je sais, que Drake boit du champagne dans au moins une quinzaine de ses titres, dont l'extraordinaire Champagne Poetry. Champagne Poetry. These are the effortless flows, supposedly something else is controlling me. La poésie du champagne, ce sont les flots sans effort, quelque chose d'autre, probablement, me contrôle. Voici qui est explicite chez Drake sur les effets du champagne, effets que l'on peut savourer aux États-Unis entre 1966 et 2020, avec Elvis Presley, The Notorious B.I.G., Jerry Lee Lewis, Taylor Swift. So let them have their wealth and fame. Eat caviar and drink champagne. Must missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. I've been drinking champagne, feeling no pain till early morning. Tom Perry on, you brought it. No crowd of friends applauded. Your hometown skeptics called it champagne problems. Parce qu'en plus, ces Américains ne se contentent pas de champagne bas de gamme. Vous avez entendu qu'on boit du Dom Pérignon chez Taylor Swift. Eh bien, c'est pareil, dans le rap français, voici Lacrime, Sadek, Nino, VG Dream. C'est vrai, je bois du Dom Pérignon. Je fais du chiffre et je les prends tous. Cette année, j'ai dû faire le million. Dom Pérignon, sort du geyser. 18 grammes d'or sur la ceinture. Du soin pour la décoration. Je te conseille même pas d'essayer. Belvedere et Dom Pérignon. Je sais même plus combien j'ai payé. Pas le même don, pas le même délire. Moi, c'est Dom Pérignon, toi, c'est 20 mousseux. Eux, ils pourront continuer. Mais comment feraient les Américains en cas de guerre douanière sur le champagne? Lerita Mitsuko propose la carte des boissons. Vodka, Alors on ne peut pas en sortir du champagne. Ce qui est sûr, c'est que les Français n'en seront pas privés. Et ça dure depuis longtemps, et ça durera encore. 1948, sur un texte de Charles Aznavour, Lisette Jeanbel, premier verre de champagne. C'est mon premier verre de champagne. C'est pour ça qu'il faut excuser. Si mon cœur battant la campagne ne cesse de batifoler. C'est mon premier verre de champagne. Signe de me taire et de rentrer à la maison. Pourquoi me regardez-vous, madame, avec ce petit air indigné? Après le second verre de champagne, gentiment j'irai me coucher. Si beau, je vous le dis en secret, je recommencerai bientôt. Minuit 5 heures, France Info, l'info juste. Il est 1h, le flash, Astrid Meignet-Carne. Des centaines de personnes rassemblées à Paris ce dimanche, une manifestation de soutien après l'agression du rabbin d'Orléans. Le religieux a été violemment pris à partie samedi en pleine rue. Un adolescent de 16 ans l'a insulté, lui a craché au visage avant de le rouer de coups. Une agression qui a eu lieu sous les yeux du fils du rabbin, un enfant de 9 ans. L'agresseur présumé est en garde à vue. Une autre manifestation de soutien est organisée mardi à Orléans. Par ailleurs, Emmanuel Macron a réagi. Le chef de l'État a dénoncé le poison de l'antisémitisme en promettant de ne céder ni au silence ni à l'inaction. Un message posté sur le réseau social X. En Loire-Atlantique, le directeur du lycée catholique Notre-Dame d'Espérance à Saint-Nazaire suspendu. C'est une information ici Loire-Océan. Le rectorat de Nantes enquête sur des gestes et des propos déplacés inappropriés du directeur à l'encontre d'élèves adolescents. D'après plusieurs témoignages, l'homme aurait pris l'habitude de visites inopinées à l'internat dans le dortoir des lycéennes. Le parquet de Saint-Nazaire a également ouvert une enquête. En Turquie, des dizaines de milliers de manifestants contestent encore l'incarcération du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu a été arrêté il y a 4 jours pour corruption. L'édile a été mis en prison et suspendu de ses fonctions ce dimanche, jour de la primaire démocrate qui devait le désigner candidat à la présidentielle turque dans 3 ans. Les électeurs se sont quand même déplacés. 15 millions de personnes ont voté pour le maire, dont plus de 13 millions de non-adhérents au parti. Par ailleurs, la France a réagi à la mise en détention du maire d'Istanbul, une atteinte grave à la démocratie, selon le ministère des Affaires étrangères. En Arabie Saoudite, des discussions productives entre Kiev et Washington ce dimanche. C'est comme ça que la délégation ukrainienne qualifie le début des pourparlers avec les États-Unis. Discussion autour d'une trêve partielle dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky, qui n'est pas présent à Riyad pour ses négociations, a appelé ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Ce lundi, les Américains rencontreront leurs homologues russes pour avancer sur cet accord de trêve. Des discussions qualifiées d'emblée de difficiles par le Kremlin. Retour en France où près de 4 millions d'euros de promesses de dons ont été faites pour la lutte contre le sida. Fin de la 31e collecte de dons annuels du SIDAction. Un chiffre en légère hausse par rapport à l'an dernier. L'édition 2024 a réuni 3,9 millions d'euros de promesses de dons. L'équipe de France masculine de football qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Nations après une séance de tir au but face à la Croatie au Stade de France ce dimanche. Les Bleus affronteront l'Espagne en demi-finale, ce sera au mois de juin. Frustration en revanche pour Lou Jean Monod, la jurassienne a vu son rêve de remporter la Coupe du Monde de biathlon s'envoler après sa chute dans la Mastart d'Oslo dans les derniers mètres de la course ce dimanche. C'est donc l'Allemande Franziska Preuß qui a remporté le gros globe de cristal. Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info. Les experts. Et on commence avec vous, Sarah Lemoine. Alors on le sait, hein, être en CDD, c'est évidemment être plus précaire que lorsqu'on est en CDI. Mais est-on moins bien traité au travail pour autant? Eh bien, sur certains indicateurs, oui. Mais pas sur tous, c'est ce que dit Sarah, une étude du ministère du Travail. Oui, c'est un vrai sujet, car travailler en CDD ou en intérim concerne beaucoup de monde. C'est devenu monnaie courante, principalement en début de carrière, mais aussi à d'autres moments de la vie professionnelle. L'évolution est flagrante. Au début des années 80, les contrats de travail temporaire représentaient seulement 4,5% de l'emploi total. Aujourd'hui, c'est près de 10% selon l'INSEE, et leur durée n'a cessé de diminuer au fil du temps. Vu la place prise par ces contrats, choisi ou subi, la question des conditions de travail et du bien-être des salariés dans ce type d'emploi suscite l'intérêt croissant des chercheurs. Et alors, quelles sont les conclusions de la DARES, qui, on le rappelle, dépend du ministère du Travail ? Eh bien, sans grande surprise, l'enquête montre qu'à métiers et caractéristiques comparables, les salariés en CDD ou en intérim souffrent davantage de l'imprévisibilité des horaires, de l'insécurité de l'emploi et d'un manque d'autonomie en raison de leur faible temps de présence dans l'entreprise. À l'inverse, et justement parce qu'ils sont de passage, ils sont moins soumis à la pression au travail, ils déclarent moins de conflits éthiques, l'investissement émotionnel est moindre et ils ont plus souvent le sentiment que leur travail est reconnu, du moins à court terme, en raison probablement de l'effet lune de miel associé au nouvel emploi. Quand les contrats temporaires sont courts, c'est-à-dire inférieurs à 3 mois, et qu'ils sont subis et non choisis, les conditions de travail apparaissent alors plus dégradées sur un certain nombre d'indicateurs, mais pas sur tous non plus. Les salariés en CDD court, par exemple, subissent moins moins de pénibilité physique et d'horaires excessifs que leurs collègues en CDI. Alors donc des conditions de travail différentes, mais de quelle manière ça influence le sentiment de bien-être, Sarah ? Alors elles ont un impact direct sur la satisfaction professionnelle des salariés et des intérimaires dont les contrats sont courts et non choisis. Chez ces derniers, cette satisfaction est significativement inférieure à celle des salariés en CDI. L'écart s'explique par la grande insécurité de l'emploi, la forte sensibilité au manque d'autonomie et les écarts de rémunération. En revanche, les conditions de travail différentes n'influent pas sur la satisfaction vis-à-vis de la vie privée. Celle-ci est à peu près similaire entre salariés temporaires et permanents. L'une des explications tient au fait que les jeunes sont surreprésentés parmi les salariés précaires et qu'ils ont globalement moins de contraintes familiales. Merci à vous, Sarah Lemoine. C'est mon boulot. D'un monde à l'autre, aux États-Unis à présent, Loïc Loury, on vous retrouve sur place, les États-Unis, où le tandem Elon Musk-Donald Trump continue méthodiquement de démanteler l'administration, cette semaine encore avec le ministère de l'Éducation. Tous les secteurs donc sont concernés, Loïc, sauf les golfs qui appartiennent au Pentagone, c'est le ministère de la Défense. Eh oui, c'est un article du site The Intercept qui met le doigt dessus. Le Pentagone possède près de 150 parcours de golf aux États-Unis essentiellement, mais aussi partout dans le monde, des 9, 18, 27 et même 36 trous qu'il faut bien sûr chouchouter. Une trentaine de bunkers, ces zones sableuses que les golfeurs n'aiment pas beaucoup, sont ainsi en cours de rénovation. Sur le golf de la base de Ramstein en Allemagne, on achète du compost pour un parcours au Nouveau-Mexique où on renouvelle un contrat de maintenance à West Point. Alors impossible d'avoir la facture totale, mais cela coûte visiblement très cher. Un exemple parmi d'autres. L'an dernier, le golf qui dépendait d'une base aérienne du Texas a dû fermer après avoir perdu 450 000 dollars en 2023 et 2,5 millions en 15 ans. Ces golfs, en principe, doivent être autosuffisants financièrement, c'est la loi, mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, et ça fait longtemps que ça dure, Loïc. Oui, écoutez, on parle de centaines de millions de dollars engloutis depuis des décennies. Le Pentagone a même dû réduire la voilure puisqu'il possédait 300 golfs dans les années 70. Cela coûtait chaque année près de 15 millions de dollars selon un élu. Et cette obsession de la défense pour ses parcours interroge aujourd'hui d'autant plus alors que Donald Trump, depuis fin janvier, mène une purge inédite à tous les échelons de l'administration fédérale. 80 000 suppressions de postes, entre autres au ministère des anciens combattants, mais rien donc toutefois concernant ces fameux golfs qui possèdent sans doute un allié de poids à la Maison Blanche. On connaît la passion de l'actuel président pour la petite balle blanche. Lors de son premier mandat, Donald Trump y aurait ainsi joué près de 300 fois pour une facture estimée par le Huffington Post à 150 millions de dollars. Ironie de l'histoire, souligne The Intercept, cela coûterait beaucoup moins cher aux contribuables s'il daignait jouer sur les parcours du Pentagone situé autour de Washington. Merci à vous, Loïc Loury, d'un monde à l'autre depuis New York. Votre billet science à présent, Mathilde Fontaise, avec ce matin de quoi chambouler notre vision de l'univers. Car oui, Mathilde, l'expansion de l'univers serait en train de ralentir. C'est ce qu'ont annoncé cette semaine des chercheurs, une collaboration entre 900 chercheurs. Oui, c'est une annonce qui secoue toute la communauté des spécialistes de l'univers. Résultat d'une très grosse étude, cette collaboration d'ESI qui travaille autour des données du télescope Mayall en Arizona a analysé la position de 15 millions de galaxies dans le ciel. 15 millions d'amas d'étoiles comme notre Voie lactée. C'est la plus grande carte de galaxies jamais réalisée. Ils sont allés jusqu'à 11 milliards d'années-lumière de nous. C'est très loin, l'univers observable. C'est un peu moins de 14 milliards d'années-lumière. En gros, ils ont balayé tout l'espace pour mesurer finement sa dynamique, son mouvement. Et ils sont tombés sur quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc l'univers ralentit. C'est ça, l'univers ralentit, c'est ce que semblent en tout cas montrer ces données. Les chercheurs sont prudents, même avec ces 15 millions de galaxies, on n'atteint pas la statistique suffisante pour être sûr. Il y a 0,3% de probabilité que tout ça soit une illusion, un artefact. Mais il y a 99,7% de chances que oui, ce que montrent ces données, c'est bien que l'univers ralentit. Alors on sait que l'univers est en expansion, depuis le début du XXe siècle, depuis qu'on observe des galaxies. On les voit s'éloigner les unes des autres. l'autre dans un lent mouvement à grande échelle. On sait aussi que cette expansion s'accélère, ça a été découvert en 98, mais maintenant ce qu'on découvre avec les résultats de DESI, c'est que le rythme de ce mouvement, cette expansion de l'univers, ralentit. L'accélération semble avoir été plus forte il y a 7 milliards d'années et elle tendrait à diminuer depuis 2,5 milliards d'années. À l'époque, sur Terre, la photosynthèse commençait à oxygéner l'atmosphère. Mais donc ça change notre conception de l'univers, ça change ce qu'on connaît en théorie. Si cette théorie se confirme, c'est assez profond, oui. Ça pourrait permettre de résoudre ce grand mystère de l'accélération de l'univers, justement. On sait que cette accélération est là depuis 98, mais on ignore ce qui la provoque. Quelle est cette force, quelle est cette énergie qui gonfle l'univers? Les astrophysiciens parlent d'énergie noire. Or, le fait de s'apercevoir que cette énergie noire varie pourrait aider à en comprendre la nature, avec l'espoir derrière d'autres découvertes qui pourraient en découler sur l'histoire passée de l'univers et sur son futur. Comment le cosmos va-t-il évoluer dans les milliards d'années? Comment tout ça va-t-il finir? La clé pour répondre, c'est l'énergie noire, c'est cette dynamique actuelle de l'univers. Merci à vous Mathilde Fontaise, Le Billet Science, vous êtes rédactrice en chef au magazine Epsilon. Question d'éducation, Amélia Matar. Question d'éducation à présent. Demain s'ouvre la 36e édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et avec vous ce matin, Amélia Matar, on regarde ce sujet à travers cette notion d'infobésité, un mot que l'on entend de plus en plus. Nos enfants, Amélia, sont-ils submergés par un trop-plein d'informations? Oui, nos enfants vivent dans la même société que nous et nous sommes tous submergés par l'information. On parle souvent de fatigue informationnelle. C'est bien simple, imaginez que vous décidiez de regarder toutes les vidéos YouTube. Il vous faudrait plus de 80 000 ans de visionnage sans boire ni manger, c'est beaucoup. Et oui, nous sommes entrés dans l'ère de l'infobésité, une surcharge d'informations qui touche tout autant nos enfants que nous. Prenons un exemple, vous êtes un adolescent de 13 ans, vous entendez parler de la situation à Gaza, vous allez en entendre parler peut-être à la télévision avec vos parents, mais aussi sur le groupe WhatsApp d'amis où sont relayés des vidéos et des messages souvent non vérifiés, ou encore sur TikTok où les algorithmes vous pousseront des contenus mêlant témoignages, analyses plus ou moins fiables, vidéos parfois choquantes et même de la désinformation. Résultat, une avalanche d'informations parfois contradictoires, souvent émotionnel, qui peut donner l'impression d'être bien au courant, alors que c'est parfois l'inverse. Parce que ce déferlement d'informations nuit à la capacité de s'informer des jeunes, Amélia ? Oui, clairement, il y a un besoin urgent d'éducation aux médias des adolescents et des jeunes si on veut préserver un tant soit peu d'esprit critique dans notre société. Et cela passe déjà par apprendre où trouver les bonnes informations. Selon une étude américaine, presque un tiers des 18-24 ans utilisent TikTok pour s'informer. Un chiffre en forte augmentation, il n'était que 9% en 2023. Ce flot d'informations non triées sur les réseaux sociaux alimente directement des théories farfelues auxquelles adhèrent de plus en plus de jeunes. 19% des jeunes âgés de 18 à 24 ans adhèrent à l'idée que les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres. C'est trois fois plus que chez les seniors. Un jeune sur 5 pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, soit une proportion en hausse de 5 points en 5 ans. Donc on voit bien que la quantité d'informations, hélas, n'empêche pas la désinformation. Au contraire, elle l'alimente. D'ailleurs, 33% des jeunes ont confiance dans les réseaux sociaux. Alors on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire que près de 70% des jeunes savent donc qu'ils doivent se méfier. Mais encore faut-il qu'ils aient les bons outils pour s'informer correctement. Alors concrètement, que faire pour accompagner les jeunes face à cette infobésité nuisible à la bonne information, Amélien? Eh bien, cela passe par l'EMS.